Même le vent des grandes marées ne lui résiste, ni les passions démesurées qu'elle suscite. Il fait comme il veut, puissant comme un dieu. L'amour est artiste, il fait l'acteur avec nos rires, metteur en scène des souvenirs qui se guérissent et qui renseignent. On est sur sa liste, nos cœurs sont en piste. L'amour est artiste, l'amour est artiste. Je t'aime, je t'aime. L'amour est artiste, c'est dans tes larmes que j'existe. Et le soleil qui peut brûler la peau du monde ne brille autant que son talent quand il se donne. Il fait comme il veut, puissant comme un dieu. L'amour est artiste. Promesse.